Bonjour frères et sœurs, nous allons continuer dans notre chapitre 7 de l'Évangile de Marc. Notre bon Père du ciel, on a vu dans les jours qui viennent de passer que on avait été longtemps des idolâtres, on avait changé tes commandements pour des commandements d'hommes. On a vu par ensuite que nos cœurs étaient mauvais et qu'il faut changer ce cœur. Et ce changement ne peut avoir lieu que par ta grâce, ta force, par un miracle qui vient de toi. Et ce matin, Seigneur, nous voulons voir d'autres vérités qui vont transformer nos intelligences, qui va nous amener à voir clair dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu as fait et dans tout ce que tu feras. Notre but, c'est de te voir, de te contempler et de t'adorer et de te servir. Conduis-nous, que ton esprit éclaire ce nouveau cœur que tu as mis en nous. Amen. On se souvient? Pourquoi est-ce que tu n'observes pas la tradition des anciens? Jésus dit, parce que la tradition des anciens se lève contre Dieu. Elle a annulé la parole de Dieu. Elle a pris priorité sur la parole de Dieu. Elle vous amène à pécher bien plus que d'autres choses. Et ensuite, on a vu quoi? Il n'y a rien du dehors qui peut souiller l'homme. Il n'y a rien qui rentre dans l'homme qui peut le souiller. Mais parce que le dedans, il est déjà souillé. Parce que il s'exprime, quand il parle, on voit que le cœur est souillé. C'est pas après qu'il ait parlé qu'il est souillé. Mais si son cœur ne serait pas souillé, il n'en ferait pas d'adultère, il n'en ferait pas de vol et de médisance et de calomnie, d'orgueil, de folie et de débauche. Il n'en ferait pas si son cœur ne serait pas tortueux et pourri et noir. Noir spirituellement, vous avez bien compris, n'est-ce pas? Après avoir fait cela, Jésus va se diriger. On a vu ensemble, dans les semaines qui viennent de passer, que la tension monte, que la persécution monte, et on veut le faire mourir. Donc, dans les deux ou trois vidéos qui s'en viennent, on va voir Jésus s'éloigner des Juifs, s'éloigner du centre de la Galilée, qui est Capernaum. Il va s'éloigner. Si vous avez des cartes chez vous géographiques d'Israël au temps de Jésus, regardez-les. Vous allez voir, il va monter vers le nord, aller vers Tyr et Sidon. Il va faire le tour de la mer. Puis il va revenir par la Décapole, côté ouest de la mer de Galilée. Toute cette contrée était une contrée de non-juifs ou de demi-juifs ou de juifs qui se foutaient un petit peu de la foi juive, si je peux dire demain. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer là. Et ce qui va se passer là. Ce qui va se produire là pendant les deux, trois jours qui vont venir. On va voir que ça va démontrer ce qu'on a dit au début. Que Marc a écrit son évangile et les premiers qui ont reçu son évangile étaient des non-juifs. Et ils vont comprendre que le Messie n'est pas venu seulement pour les Juifs, mais pour eux aussi. Le Messie est venu à travers le peuple d'Israël, mais non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour toutes les nations du monde. Et la bénédiction qu'ils vont faire passer, premièrement en Israël, va se répandre dans toutes les nations du monde. Il va démontrer que les Juifs n'ont rien de privilégié, excepté d'avoir fait que le Messie est passé venu des Juifs. Mais dans le royaume de Dieu, les Juifs n'auront aucun privilège et les non-Juifs, les Grecs, n'auront rien de moins que les autres. Mais pour qu'on comprenne cela, nos trois prochaines vidéos vont s'intituler la foi des petits chiens. Je vais appeler ça de même parce que Jésus va parler ici, dans notre histoire qu'on va lire dans quelques instants, d'une femme. Il va la comparer aux petits chiens. La foi des petits chiens est formidable aussi. Lisons ensemble à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Alors, il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Donc Jésus, après ce qui s'est passé avec les pharisiens, avec les scribes, cette tension, cet enseignement qu'il a fait, qui a causé une tension, il s'éloigne. Il veut aller soit se reposer, mais je crois que c'est surtout pour se cacher à cause d'un risque qu'on l'attaque et qu'on veut le faire mourir. Son plan, c'est d'aller mourir à Jérusalem dans quelque temps. Donc, il s'en va dans les territoires de Tyr et de Sidon. Il monte vers le nord et vers la mer de Méditerranée. Il va aller se cacher là. Il ne veut pas que personne le sache. Il ne veut pas être achalé, si je peux dire comme ça, par personne. Il est tout seul avec ses disciples. Mais en arrivant, sa réputation l'a devancé. Il est connu même de Tyr et Sidon, parce qu'on l'a vu ailleurs, à d'autres moments de reprise, qu'il y a des gens de partout qui venaient le voir. Donc sa réputation était grande. Cette femme-là le reconnaît. Quand elle le voit, elle sait qui c'est et qu'est-ce qu'il est capable de faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers Jésus et elle demande à Jésus que il délivre sa fille qui est possédée d'un esprit impur. Viens chasser le démon hors de ma fille, s'il vous plaît. Viens, viens. Puis elle suit, puis viens, viens chasser le démon de ma fille. Et là, Jésus donne une réponse qui, des fois, il y a des gens qui ont de la misère à comprendre. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Donc, elle n'est pas juive. C'est une grecque. Il faut bien comprendre ça. C'est une grecque, c'est une non-juive. Elle vit en dehors d'Israël. Elle vit à Tyr, ici donc. Donc Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Et il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Donc Jésus n'était pas en train de parler d'enfants d'une façon littérale, en sens des enfants de 5-6 ans, ou 8-9 ans, ou 10 ans. Il dit, laisse les enfants. Les enfants ici, c'est Israël. On n'a pas le choix. C'est Israël. C'est les Juifs. Il dit, il ne serait pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Parabole, hein? Parabole. Puis c'est vrai, tout le monde comprend ça. qui serait assez fou pour prendre le pain des enfants ou la nourriture des enfants et le donner aux chiens à terre et que les enfants manquent de nourriture? On va nourrir les enfants avant. S'il en reste des restants de table, s'il en reste, on va peut-être en donner aux petits chiens. Ou ce qui tombe par terre, les petits chiens peuvent le manger. Donc, tout le monde comprend l'histoire. Vous vous souvenez quand on a vu les paraboles? Tout le monde comprend l'histoire. C'est clair, c'est clair comme de l'eau de roche, clair comme de l'eau de source, comme on dit des fois. Hein? C'est très clair. Laisse les enfants se rassasier d'abord. Jésus est en train de dire, là, je suis venu d'abord pour les Juifs. Je suis là, moi, pour les Juifs d'abord. À travers le peuple d'Israël, quand je vais être parti, mes disciples vont aller par toutes les nations de la terre. Ils vont répandre la bonne nouvelle partout. Et vous allez pouvoir en profiter, vous autres aussi. Et là, la femme déclare quelque chose, ou dit quelque chose, qui impressionne Jésus. Un peu comme le centenier que Jésus a dit, j'ai jamais vu une si grande foi en Israël. Et cette femme-là dit quelque chose qui amène Jésus à dépasser la limite géographique. Parce qu'il était venu pour Israël. Elle dit, oui, c'est vrai ce que tu dis. Ça fait du sens ce que tu dis. C'est logique ce que tu dis. Ça fait du bon sens ce que tu dis, Seigneur. Mais, elle dit, les petits chiens, ils mangent les miettes à terre. Et personne ne les empêche de manger les petites miettes qui tombent. Et Jésus lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Les miettes. Dans notre texte ici, les miettes, c'est quoi? C'est ce qu'elle demande, elle. Elle considère que chasser le démon, c'est une miette. C'est une miette. Guérir les malades, c'est une miette. En comparaison avec le royaume que Jésus veut établir, avec l'arrivée du royaume de Dieu, les miracles que Jésus faisait, chasser les démons que Jésus faisait, c'est des miettes. Puis malheureusement, beaucoup de religions et beaucoup de gens soi-disant chrétiens courent après des miettes. Jésus dit, moi je veux te rassasier. Et toi, tout ce que tu voudrais, c'était des miettes. Jésus dit à cette femme, « T'as bien compris que j'ai beaucoup plus à offrir que chasser le démon de ta fille. J'ai beaucoup plus à t'offrir qu'une guérison physique. J'ai beaucoup plus à t'offrir qu'une prospérité humaine. Le royaume de Dieu va t'emmener des millions de fois plus que les petits miracles que je fais ici pour confirmer le royaume de Dieu, pour confirmer la force, la puissance, l'arrivée du royaume de Dieu. Et la plupart des Juifs vont rejeter Jésus à cause de ça. Tout ce qu'ils veulent, les autres, c'est des miettes. Et Jésus dit non. Moi, je vous appelle à vous repentir. Je vous appelle à vous détourner de vos commandements d'hommes. Moi, je vous appelle à arrêter d'être des hypocrites et d'honorer Dieu des lèvres et non dans votre cœur. Moi, je suis venu ici pour vous donner un cœur nouveau, un cœur de chair, un cœur qui va aimer Dieu, servir Dieu, adorer Dieu, glorifier Dieu. Je suis venu pour changer votre être intérieur et non pas votre être extérieur. L'être extérieur, c'est les miettes. La femme le croit. Elle part de là, au verset 30. Elle rentre chez elle et elle trouve sa fille guérie. le démon est sorti d'elle et elle est couchée puis elle dort paisiblement. Jésus n'avait pas dit une parole en l'air. Mais à cause de sa foi, cette femme-là a vu le miracle s'accomplir. Que tu sois juif ou que tu sois grec, ça ne change rien. Tu vas jouir du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est là autant pour les Grecs que pour les Juifs. Un ne va pas sans l'autre. Pour nous autres qui sommes en dehors du peuple juif, moi je suis un Québécois pur laine, descendance française et amérindienne. Je ne suis pas un juif, moi. Mais j'envie rien aux juifs qui sont chrétiens. Mais je vous enlève rien parce qu'ils sont juifs. Mais le fait qu'ils sont juifs n'a pas d'importance dans le royaume de Dieu. Comprenons bien ça. Jésus a dit à tous ses disciples, allez par toutes les nations de la terre. Il va le dire à la fin du chapitre 16, allez par toute la création. Annoncez l'évangile. Appelez les gens à la repentance. Peu importe quelle couleur ils ont, peu importe quelle langue ils parlent. Je les appelle à venir faire partie du royaume de Dieu. Et pour ça, il faut qu'ils se repentent. Il faut qu'ils admettent. On était rebelles. On a changé les commandements de Dieu. On a neutralisé les paroles de Dieu. On a changé la parole de Dieu. On s'est élevé au-dessus de Dieu. On a essayé de se servir de Dieu. On était des idolâtres. Je me repens, Seigneur. Je me tourne vers toi. Non pas pour avoir ce que je veux, mais je me tourne vers toi parce que tu es Dieu. Et tu mérites l'adoration, la louange, la gloire, l'honneur et le service pour l'éternité. Je ne me tourne pas vers toi pour ce que je peux avoir. Je me tourne vers toi parce que tu es Dieu. Et parce que tu es mon Créateur. C'est ça qui me pousse à vouloir me tourner vers toi. Et non pas ce que je peux obtenir si je me tourne vers toi. À l'exemple du démoniaque qu'on a vu l'autre fois dans la Décapole, ici on a un autre exemple, cette Syrophénicienne qui obtient une bénédiction du royaume, même si ça ne fait pas partie des Juifs. On va en avoir d'autres demain et après-demain encore. Notre bon Père du ciel, merci que tu as appelé toutes les nations de la terre sous le même règne, le règne de Jésus-Christ, le règne du royaume de Dieu. Peu importe qui nous sommes, si nous avons la foi, tu vas changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Tu vas nous prendre, nous qui sommes en dehors du royaume de Dieu, et nous emmener dans le royaume de Dieu. Seigneur, si je prends l'expression de cette parabole, nous ne sommes que des petits chiens, mais tu nous as rassasiés, tu nous as rassasiés comme des enfants. Parce que nous avons cru en l'évangile de Dieu. Amen.